passe, bien qu'on sache qu'elle nous casse. Elle coule douce, amère, au milieu de nos artères, matérielles et sensorielles, délicieuses et sensuelles. J'ai baigné de sang mon cœur pour aimer ces quelques fleurs, traverser les ecchymoses et rater tellement de choses. J'ai bercé le long des heures tant de rires et tant de pleurs, trahison, métamorphose, caresser les dents des roses. Elle coule douce, amère, au milieu de nos prières, tous avares de l'heure qui passe, bien qu'on sache qu'elle nous casse. Elle coule douce, amère, au milieu de nos artères, matérielles et sensorielles, délicieuses et sensuelles.